Oui, salut re. Je vais vous faire un petit topo sur les sondages, tout ça. Donc, un petit truc qui était prévu hier soir et que j'ai eu le temps de travailler ce matin. Alors du coup, ça part de l'histoire de l'Aquarius là qui mi-juin était un petit peu en perdition en Méditerranée. Et donc le journal Atlantico et l'IFOP qu'on trouvait un peu pertinent apparemment de faire un sondage. Bon, apparemment c'est un sondage qu'ils font régulièrement sur ces sujets-là. Mais là c'est quand même un petit peu parlant donc les résultats. La question était êtes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes grecques et italiennes soient répartis dans différents pays d'Europe et à ce que la France en accueille une partie? Donc apparemment il y a 42% de favorables et 58 d'opposés. Alors apparemment depuis le début de cette enquête périodique, donc depuis 2015, quand même les réponses favorables ont augmenté, parce qu'à l'époque c'était 32% de favorables seulement, et donc 68 de défavorables. Enfin donc on va voir qu'il y a le lien. Enfin, la causalité est pas évidente parce que bon, bref, on va le voir un tout petit peu plus tard. Donc le journal Atlantico a fait une petite analyse de ce sondage là et qui explique que c'est un effet de contexte, parce que oui, en 2015 c'était le pic de la dite crise des migrants. Le journal dit que la situation à l'époque était totalement hors de contrôle. Enfin, elle était vue comme ressentie comme hors de contrôle. C'était le moment où l'Allemagne a accueilli plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Et où il y avait quand même une grosse actualité qui était relayée sur ce qui se passait à Calais. Bon, il se passe toujours beaucoup de choses là-bas, mais c'est actuellement apparemment beaucoup moins répercuté. Une autre grille d'analyse qu'ils ont choisi de prendre, c'est il y a eu aussi une baisse de ces opinions favorables au moment des attentats de novembre 2015, parce que apparemment attentat serait égal à réflexe de fermeture. Bon, ça c'est un petit peu l'analyse facile, rapide de tout ça. Alors ces sondages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'ils nous disent que oulala, il y a 58% de personnes qui sont opposées quand même à accueillir les exilés en Europe? Bon, est-ce que c'est si simple que ça? On peut se dire que sur une question de ce type, il y a peut-être quand même un petit peu un problème. Étant donné qu'elle pousse un petit peu une thématique, elle l'impose aux sondés. Alors là, c'est présenté un petit peu comme une étude quantitative. Or, on peut pas vraiment, lancer une étude de ce type sur des questions d'opinion. Normalement, une étude quantitative, on la fait plutôt sur des faits qui existent objectivement, des choses factuelles, comme quel est votre âge, où êtes-vous né, combien de temps avez-vous milité, par exemple, dans une organisation, ou avez-vous voté en telle année, etc. Là, non, on choisit plutôt d'interroger les gens sur une opinion, sur un fait d'actualité. Alors, les sondés doivent répondre à ces questions qui ne se sont pas toujours posées, mais bizarrement, ils répondent rarement qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas de réponse, qu'ils sont sans avis. Et de toute façon, là, comme on peut le voir dans les résultats, 42-58, ça fait 100%. Donc selon cet institut de sondage, il y aurait 100% des personnes qui ont un avis sur la question. Donc ce qui est un petit peu, ce qui cache en fait le fait que les sans opinion sont juste même pas pris en compte. Alors c'est un peu normal quoi, les sondeurs ils sont là pour avoir des réponses et puis voilà quoi, ils cherchent à en avoir. Mais du coup ouais, merci pour la petite analyse que tu viens de nous donner, mais je me demandais, tu disais que c'était un sondage IFOP et du coup relayé sur le site Atlantico, enfin Je me demande un petit peu dans quel cadre ils ont recueilli ces données, en fait. Ils peuvent se permettre de dire que 30% des Français pensent ceci et 30% des Français pensent cela. Est-ce que c'est 30% des Français qui ont cliqué sur leur lien à la con? Et comme tu dis, la formulation est totalement biaisée. Enfin, êtes-vous prêt à accueillir par dizaines de milliers évidemment que n'importe quel type un petit peu frileux qui va pas y comprendre grand-chose va pas vouloir se faire remplacer et va faire non, oh mon Dieu, tout comme il y a à chaque fois qu'il y a un sondage du genre, en fait, un sondage ultra raciste, ultra xénophobe, en fait, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a souvent des campagnes entre guillemets, que ce soit côté gauchiste ou que ce soit côté faf, qui vont dire bon allez, on va aller sur tel lien en fait, et puis on va leur mitrailler de telles réponses en fait par rapport à ce qu'on pense. Donc j'ai du mal à croire en quoi on peut croire ce chiffre en fait. Ouais, bah là je sais pas. En l'occurrence, je suis pas allé voir le sur le site de l'IFOP le détail de l'étude. Mais bon, j'imagine qu'il s'agit quand même pas d'un sondage internet de ce type, mais plutôt d'un sondage sur un panel avec la méthode des quotas, quoi. Bon, ce qui est déjà loin d'être parfait. Donc voilà. Bon, après, ce qu'on peut dire sur ces instituts de sondage, c'est que bon, en plus, il y a une question un petit peu, une position d'autorité, ce sont des institutions. Les questions qui sont posées, du coup, ont de ce fait une certaine une légitimité. Enfin, une légitimité, on va dire, ressentie. Et donc voilà. Les personnes qu'on. Alors j'imagine que c'est par voie téléphonique, du coup. Les personnes sont sommées en gros de répondre à des questions sur lesquelles ils n'ont pas forcément d'avis, sur lesquelles ils n'ont pas forcément pu ou voulu réfléchir complètement, ou sur lesquelles ils ne se sont pas documentés. Oui, voilà, ce ne sont pas toujours des questions que les gens se posent eux-mêmes. Et en ce sens, bah oui, les instituts de sondage, ils participent à la fabrique de l'opinion, quoi. Et bah là, on le voit. Bah, la question qui est posée, c'est pas devons-nous ouvrir les frontières, c'est posé un petit peu différemment. C'est un petit peu, enfin, des milliers, on voit tout de suite enfin, sur quoi ça joue au niveau imaginaire, quoi. Sur effectivement les thématiques de masse, d'invasion, voilà. Donc oui, ça répond clairement à un agenda réactionnaire, quoi. Et là, en l'occurrence, sur ces thématiques du racisme, en vrai, c'est même pas pertinent pour mesurer le racisme de la société. Parce que c'est quand même des mécanismes qui sont un peu plus compliqués que ça. C'est pas toujours des opinions pas toujours assumées, souvent euphémisées, etc. Donc là, faire une étude quantitative là-dessus, c'est vraiment très peu fiable. En général, les sociologues qui font des vraies enquêtes, hein, on va dire, c'est quand même un petit peu différent de ce genre d'institut de sondage. Alors, en plus, il me semble que l'IFOP est un petit peu particulier dans le domaine, parce que il me semble que c'est le frère de Florent Philippot qui, je sais pas s'il y travaille toujours, mais qui en tout cas y a travaillé. Donc bon, niveau impartialité, on fait peut-être mieux. Mais bon, voilà. Quand les sociologues font des, quand les scientifiques du coup font des études, bah ils font d'abord des études qualitatives, quoi. Ils essayent d'analyser, ils posent des questions sur des panels vraiment plus réduits, et ensuite ils font des études éventuellement quantitatives sur des portions bien précises, quoi. Alors là-dessus, je vais vous passer un petit extrait d'une interview qui est passé sur France Culture. Alors je crois que ça date d'il y a quand même quelques années. À l'origine, c'était après les élections de 2012. La chercheuse qui était interviewée parlait pas mal de comment fonctionnait la politisation des précaires, comment ils votaient ou pas d'ailleurs, et donc comment ils pouvaient répondre à ces sondages-là. Alors je vais vous passer ça. Alors j'ai un peu coupé dans l'interview qui faisait quand même une demi-heure et qui était quand même très tourné sur la question des élections et plein de considérations, je vais dire, oiseuses sur comment ils fonctionnent, ces précaires, qui sont-ils, comment sont-ils éduqués, etc. Mais quand même, la partie sur les sondages est quand même plutôt intéressante. Donc, je vais passer ça tout de suite. Depuis les années 30 et l'enquête menée par Paul Lazarsfeld à Marienthal, dans l'Allemagne préhitlérienne, on sait qu'au lieu de se révolter, au lieu de manifester, les chômeurs ont tendance à se couper de la vie publique, de la vie politique. Mais quels sont les effets plus larges de la crise économique, des crises économiques, de leurs conséquences sociales sur la participation politique? Sont-elles toujours les mêmes? Comment expliquer qu'en Grèce ou en Espagne, on assiste à une forte mobilisation sociale et à des victoires électorales de partis très à gauche, là où en France, par exemple, cela semble davantage profiter à l'extrême droite? Pour répondre à ces questions, il faut impérativement prendre le temps d'écouter longuement ceux auxquels on prête peu souvent attention, les inaudibles. Les inaudibles, c'est précisément le titre d'un livre qui paraît aux presses de Sciences Po sous la direction de Céline Braconnier et Nona Mayer, sous titre « Sociologie politique des précaires ». Bonjour Céline Braconnier. Bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques et vous dirigez Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, dernier né des instituts d'études politiques. Oui. Et donc vous avez co-dirigé cette enquête, vous êtes, j'ai pas compté, une dizaine facilement d'auteurs, une enquête sur les relations entre cette situation de précarité, ces gens qui ont tendance à être les plus grandes victimes de la crise économique, des conséquences sociales de cette crise économique, et leur rapport aux politiques. On a des enquêtes, voilà, sur le rapport à la politique qui touche assez peu ces populations, qui sont très rétives à répondre à des enquêteurs, qui sont difficiles aussi à identifier pour des enquêtes, et qui, de ce fait, prennent rarement la parole. Quand on pose la question dans le cadre d'une enquête, le rejet de l'immigration, le rejet de l'islam, le rejet des étrangers qui sont considérés comme venant en France, profiter de la sécurité sociale, etc. On entend des discours où on voit désigner des boucs émissaires, ça c'est assez classique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, sur ce point-là, c'est intéressant parce que l'enquête quantitative dit des choses, mais l'enquête qualitative dit un peu autre chose. Dans l'enquête quantitative, ce qu'on voit, c'est quand on pose la question aux gens, que pensez-vous de l'immigration? Est-ce que que pensez-vous de l'islam? Y a-t-il trop de mosquées en France? Sentez-vous encore chez vous en France, etc. Quand on suscite ces interrogations-là, alors on se rend compte que la précarité, certes, augmente la proximité aux thèses de Marine Le Pen, le rejet de l'immigration, le rejet des étrangers, etc. augmente systématiquement. Et vous voulez dire que quand on leur pose pas spontanément la question, qu'on les laisse parler, eux ne se posent pas ce genre de questions. Exactement. Ce qui est, alors pourtant, hein, qu'on a fait notre enquête, donc en pleine école, en pleine enquête présentielle, juste après l'affaire Mera, donc c'était très présent ces thématiques-là dans les médias, en même temps que la campagne. Ça crée le son pour les sondeurs et pour les journalistes politiques quand même, parce que la responsabilité de poser des questions que ces gens ne se posent pas forcément et produire du même coup néanmoins des effets dans l'espace public, ça peut interroger. En tout cas, c'est un contraste très intéressant. Ce qu'on constate, nous, c'est que les gens qu'on a rencontrés donc dans les associations caritatives pour l'enquête qualitative ne nous ont pas parlé spontanément de l'islam. On avait l'impression que c'était très très loin de leurs préoccupations, ni d'une autre religion d'ailleurs. Hein, on a le discours religieux, la question de la religion était complètement absente. Mais est-ce que vous dites, au fond, ça rejoint aussi quand même malgré tout certaines enquêtes quantitatives. Je me souviens d'enquêtes de l'INSEE sur les préoccupations des Français qui donnaient des listes très très différentes de celles des sociétés de sondage. Oui. Dans les enquêtes de l'INSEE, on avait des choses à propos des transports, de la proximité du service public, ou des commerces, ou évidemment l'emploi, la situation économique. Et ces questions d'insécurité ou d'immigration, elles étaient très loin derrière. Alors que dans les listes quantitatives des sociétés privées de sondage, là, on avait en tête de liste ces questions de la sécurité ou de l'immigration. Oui, oui, oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le discours que nous on a recueilli quand on a parlé avec les gens, il y avait un discours discours de dénonciation qui était très présent, une forme de ressentiment, mais qui jouait dans le cadre de questions économiques et sociales. Donc un clivage bon pauvre, mauvais pauvre. Et c'est sur ce clivage-là qui lui est très prégnant et qui vient spontanément lors de la discussion. En gros, spontanément, les gens qu'on a rencontrés considèrent que il y a des gens qui sont là parce que voilà, ils ont vécu des choses terribles, qui se sont cumulées, etc. Ils font tout pour s'en sortir, ils se battent au quotidien pour s'en sortir. Tous ceux qu'on a rencontrés n'ont rien des assistés qu'on met en scène régulièrement dans les journaux. Ils sont pas assistés, ils doivent se battre au quotidien pour arriver à manger, à faire manger leurs enfants. Ce sont des vrais battants. Mais en revanche, ils partagent cette idée qui circule dans les médias et dans les discours publics, qu'il y a des assistés, mais qui sont pas eux. Et ces assistés, ce sont ceux qui trichent et qui, à l'inverse d'eux-mêmes, bénéficient d'aides d'associations, mais sans en avoir le droit. Et alors, chacun a son bouc émissaire, chacun a son faux pauvre. Alors, les mamans célibataires vont vous parler de ces femmes qui bénéficient de la cantine gratuitement parce qu'elles déclarent qu'elles sont seules alors qu'elles ne sont pas seules. On va avoir... Et chacun a son bouc émissaire. Et sur cette dénonciation de la fausse pauvreté, se greffe effectivement des éléments de stigmatisation de l'immigration. Mais ça vient en second, et jamais sous une forme religieuse. Hein, c'est l'immigration. Jamais la question de l'islam n'est jamais revenue dans les discussions. On l'a eu, mais par des enquêtés musulmans qui nous racontaient qu'à l'intérieur de leur famille, il y avait des positionnements différents sur le foulard, des problèmes de mariage mixte parfois. Il y a des problèmes de, il y a un défaut de solidarité. Enfin, un défaut, c'est pas le bon mot. Excusez-moi, mais il y a la précarité ne conduit pas à la solidarité. Mais cette dénonciation des autres ne se fait pas spontanément à travers le répertoire de la religion. Merci beaucoup Céline Braconnier pour ce son de cloche de la note finale, en particulier assez différent de ce qu'on entend aujourd'hui, en particulier dans l'espace public. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez co-dirigé avec Nona Mayer, Les Inaudibles. Il paraît aux presses de Sciences Po. On trouve les références sur le site de La Suite dans les Idées, sur France Culture. Oui, donc voilà. Donc pour ce petit extrait qui est un petit peu explicité, enfin on reprenait un petit peu ce que j'ai dit avant en vrai. Donc voilà, je sais pas s'il y a des réactions là-dessus. Bah c'est bien la preuve que juste les gens en général, s'ils ont rien à dire, faut pas leur poser ce genre de questions en fait. Ok. Bon bah là je propose qu'on continue par un peu de musique et puis je sais pas, on va voir ce qu'on fait après. Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Yvonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. Le mari de Marie-Yvonne était mon amant. Mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Yvonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne, ça me dit rien. La la la, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Yvonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Le mari de Marie-Yvonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, personne, il est chez sa maman. Marie-Yvonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Yvonne m'apprend ce midi, sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La la la, ce petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti, ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marie-Yvonne a pu se recaser, c'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début tout feu tout braise, il sera gentil, quand il se mettra à l'aise il refera le lit. Il lui dira tu es belle après coma avant, il descendra la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer, quand il lui dira bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Yvonne, on l'a bien dit à Sophie, on t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver, toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser.